Bonjour à tous, ici Seco 53. Juste avant que le podcast commence, je voulais juste faire une petite intro parce que j'ai complètement manqué mon intro du début. Je savais pas quoi dire. C'est que je dis je vais faire une intro après que le podcast ait eu lieu. Et ouais, c'est ça. Juste dire que ça, c'est un premier épisode. Soyez du genre avec moi un peu. C'est le premier podcast que je fais. Il va y avoir avec moi Das et Kim qui vont animer avec moi ce podcast-là. Qui, j'ai trouvé un nom, je ne sais pas si ça va être définitif, ça va être le Ciné-Club de Bord du Jeu. C'est assez ordinaire, merci, mais j'ai rien trouvé drôle qui a de l'allure. C'est-à-dire que on va faire avec ça en premier. Sur ce, je vous dis bon, pas bon visionnage, mais bonne écoute et à la semaine prochaine. Mais ouais, comment que vous avez pensé du film? Das, commence avec toi, c'est toi qui choisis le film. Ben là, moi, j'ai c'est sûr. Si je l'ai choisi, c'est parce que j'avais des bons Mais souvenirs de ce film-là. c'est ça, Oh, voyons. mais c'est quand la dernière fois que tu l'avais vu le film? La première J'étais fois. quand même jeune, ça m'avait même marqué. OK. Je ne sais pas quel âge que j'avais, mais quand je l'ai revu, selon moi, j'étais beaucoup trop jeune pour quand je l'ai vu, ce film-là. Ben, Je me suis... quand je me je l'ai souvenais pas regardé, de tout. là, j'étais comme. Oh, je me demande il y avait quel âge d'Asta qui écoutait ça parce que. Ouais. Mais je te dirais, mon père, il était petit, mon père m'a fait regarder Chucky quand j'étais vraiment jeune. J'avais une poupée qui ressemblait à Chucky. Puis après avoir vu le film, j'ai arraché les cheveux, puis les sourcils, puis les pitchés en bas des marches parce que j'avais peur de la poupée. Fait que tu sais, si j'avais une poupée qui ressemblait à Chucky, quand mon père m'a fait écouter Chucky, je pense que j'avais 7 ans max. Fait que d'après moi, j'ai vu Avengers entre 9 puis 13, d'après Voyons moi. donc! Moi j'aurais été traumatisé. Ouais, j'avais vu d'autres films qui ressemblaient, qui étaient plus horreur, mais aussi violents que ça, que je pensais peut-être être le prochain film, parce que ça me rappelait un film gore comme ça. Mais tu sais, ça, selon moi, c'est le côté violence. Je sais pas si ça me faisait rire dans ce temps-là. Je sais que là, moi, j'ai beaucoup ri, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent plus à cette heure. J'ai Puis, eu quelques sacs. je trouve pour l'année que ça a été sorti, c'était quand même très bon pour le peu de budget qu'il y avait. Puis surtout aussi, Toxic Avenger, c'est quand même un icône un peu dans le monde geek. Puis je sais pas trop comment m'appeler ça. Tu sais, comme il y a comme The Rocky Horror Show, qui Ouais, c'est quand même un bon. C'est un film culte, c'est ça que je veux dire. Dans le fond, Toxic Avenger, pour moi, c'est un film culte parce que. Il a quand même sorti des comic books de ça. Ça a été Marvel qui a sorti ça. Puis Trauma, c'est comme. Je sais que Sico m'avait déjà parlé qu'il aimait les films de série B, mais peut-être pas nécessairement de ce genre-là. Puis ça, je pense que Trauma, c'est une des meilleures compagnies qui fait des films de série B. qu'est-ce qu'on fait comme film, eux? Est-ce que t'as. Ben là, j'ai regardé, j'ai commencé à regarder hier. Mon Dieu, je me souviens pas du titre du film. Mais ça a tout le temps le même lien. C'est tout le temps, dans le fond, il y a quand même une morale de faut pas polluer. Ok. Fait que, Je sens la le... morale. Ben, c'est ça quand même, tu sais. Je pense qu'à la fin du film, il dit genre, alors, faut pas polluer. Le Toxic Avenger, il est là pour protéger l'environnement. Puis, dans le fond, le film que je suis en train de. J'ai pas tout écouté au complet parce que je vais pas mélanger les films. Mais, tu sais, il a gardé. Le même genre, je te dirais, tu sais, c'est dans ce temps-là, quand le film est sorti, c'était quand même ça l'humour dans ce temps-là. Tu sais, il y avait beaucoup de scènes de nudité. Comme École de ski, il y a beaucoup de scènes de nudité. Il y a Police Academy, il y a beaucoup de scènes de nudité. Je te dirais, l'humour, quand le film est sorti, c'était comme à jour cet humour-là. C'était ça qui était drôle dans ce temps-là, tu sais, mettre des scènes de sexe et de nudité. Mais sûr que l'effet ultra-violent du film, d'après moi, c'est un des rares films dans ce temps-là qui était comme ça. Mais il a continué. Tu sais, le film que j'ai regardé, il est sorti en 2017, celui que j'ai regardé à moitié, là. Puis c'est encore, tu sais, des voix qui ne fit pas. Tu sais, que ça paraît que c'est pas le gars qui parle Ah qui oui, fait la voix. j'avais remarqué ça aussi. Il y a encore le sang. Sûr, la qualité d'image est upgradée, est mise à jour en ce moment. Mais les effets spéciaux sont pareils quasiment que dans le temps. Les préjugés sont pareils aussi que dans le temps. Puis le type d'humour aussi. Fait que quelqu'un de nos jours qui voudrait écouter un film d'humour style années 80, puis qui aime le gore, je dirais, ben, va vers Trauma. T'sais, tu vas rire tellement que c'est mauvais. C'est tellement mauvais que ça n'est bon. T'sais, ils savent qu'ils sont mauvais, ils savent que. T'sais, même les acteurs sont over the top, ils en font trop pour ce qu'ils sont supposés de faire parce que c'est pas des super acteurs. Puis si tu sais que t'es pourri, ben tu vas jouer tellement pourri par exprès que le monde va penser que c'est ça que tu veux, puis c'est ça le film. Mais ouais, moi c'est personnellement, j'ai choisi ça parce que c'est pas full très très connu comme film. Puis ils ont comme sorti des dessins animés de ça pour enfants qui Ouais, jouaient le ça, matin. j'ai vu, ouais. Ils Ils ont ont fait des Tomorrow. dessins animés de ça pour enfants. Ouais, ils ont fait des dessins animés inspirés de ça. Ouais, c'est Dans le pas fond, ils assez. ont fait des C'est. bandes dessinées Ouais. des années 90. Que tantôt, j'ai regardé vite vite avant qu'on jase. Puis les images, ça paraît que c'est Marvel qui fait ça. On dirait que je regarde les X-Men, mais que le Toxic Avenger il est dans le monde des X-Men. Ils ont fait des bonhommes, des action figures, là, des petits bonhommes que tu peux jouer avec aussi, là. Il y a eu quoi? Il y a eu un 2, puis il y a au moins eu un 2 de Toxic Avenger, je pense, Il j'ai y en a vu. quatre. 4? Ah, ok, ouais. Ouais. Le quatrième est sorti dans les années 2000. Il est Ah, très ok. rare sur Internet. Je vais essayer de me le pogner. Mais ouais. Ok. Ça a quand même pogné. Ça... Ah, ouais, j'ai vu, là. Juste qu'avec une comédie musicale de ça, faut que tu y ailles penser, là, aussi. Ah ouais, c'est ça. Quand tu m'as pris ça hier, j'avais vu ça vite vite. T'sais, ils ont fait une comédie musicale basée sur ce film-là. T'sais, tu fais pas quelque chose que tu penses qu'il va foirer. C'est parce que tu sais qu'il y a quand même une communauté. Dans le fond, comme je dis, c'est un film culte. Il y a quand même une communauté qui trippe encore sur ce genre de film-là, puis surtout sur ce film-là qui a peut-être commencé, on va dire, qui a été pionnier de films vraiment gore, comédie, un petit peu horreur, c'est bon. Toi, Kim, là, qu'est-ce que t'as pensé de ce film-là? Tu l'as sûrement adoré, hein? préparée, j'étais pas dans le bon état mental, je pense, avant d'écouter ça, là. Oh J'ai non! pas aussi écouté ça. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est n'importe quoi. C'est juste con. Pour moi, là, il y a comme pas de contenu à ce film-là. C'est même pas horreur, genre. Il y a des bouts dégueux. Puis, je trouve ça tellement con. La fille, il faut juste qu'elle monte ses seins. Puis, le gars, lui, pas fume un tutu. Il fait tout ce qu'elle veut. C'est quoi, ça? Mais oui, Puis, c'est elle se sûr. trouve qu'elle a pas assez souffert quand elle est morte, celle-là, là. La méchante, là? Oui! Tu sais, puis Ok. là, au début, il écrase le petit gars sur son vélo. Il se fait écraser la tête, puis tout. Moi, j'étais là. Mon gars, il a à peu près le même âge. J'imagine qu'il va faire du vélo puis qu'il se ferait écrabouiller de même. Non. J'étais comme. Non, moi, là. Mais Non. j'avais remarqué, tu sais, dans ce film-là, il y a personne que tu peux aimer quasiment dans ce film-là. Il y a genre 3-4 personnes. T'as comme un policier qui est comme un peu gentil, qui a été sauvé. En gros, tout le monde qui a été sauvé, ils sont comme pas si pire, tu sais. Tous les Ben autres, moi, c'est il n'y comme. a pas aucun personnage que je me suis dit, ah, oh, ce personnage-là, je l'aime. Même pas l'aveugle, Non. là. Non. Elle est vraiment nénuche pis idiote. Puis c'était tellement évident, genre qu'elle allait sortir avec. On voit la scène dans le resto, elle est assise là, elle est aveugle. Ah, ben il finit avec. Tu sais? Oh, moi, je pensais pas ça. Ah, pour moi, c'était comme clair, là, j'avoue Mais avec son oh, c'est chien. temps il fait C'était pour lire les. petit chien! Tu Tant sais? En il tout cas. fait lire les signes de la main, puis après ça, elle s'est trouvée l'autre main. Comment? Ah Elle est ouais, ben pognée partie. c'est ça qui est drôle, c'est ça que je dis, dans les années 80, tu sais, si on dit que vous écoutez Police Academy ou École de ski, c'est parce que c'est ça que j'ai vu le plus, tu sais, parce C'est que pas Police Academy, pareil. non, en fait, ben c'est un peu le même style d'humour, Police tu sais. Academy, c'était pas mal, tu sais, c'était une bonne histoire, c'était drôle, c'était pas juste con, là. Ben non, c'est con, ben, ok, d'abord, J'avais vu le Naked premier, me Guns, semble. ça je sais pas c'est quoi. Naked Guns, c'est quoi en français, donc, Naked Gun, c'est pas une affaire des avions? Non, c'est avec le même acteur, Leslie Nielsen. C'est quoi en français? Je connais juste les noms en français. L'agent fait la farce. Tu sais, l'agent fait la farce, Ouais, ça me dit quoi, ouais. c'est des niaiseries tout le long. Ben, c'était ça l'humour dans ce temps-là, des années 80. Ah, il pogne le paquet au lieu de se pogner la main, puis oh, c'est drôle. Puis le gars fait. Oh, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est l'autre humour en arrière que le monde voit peut-être pas tout. Tu sais, Ouais, je l'ai pas vu. tu vois mener dans le film qui. Le toxique ravageur, il pisse dans une ruelle. Puis là, il y a une limousine qui arrête. Puis, tu sais, il y a un pimp qui arrive. Puis, il dit, hey, tu veux-tu avoir du bon temps à soir? Puis, la petite fille dit, hey, tu m'avais dit que tu venais voir le concert de Bon Jovi, je pense, ou quelque chose de même, David Bowie. Puis, le gars, il amène la petite fille de force. Puis, tu vois que la fille s'est comme faite kidnapper pour être une pute, on va dire. Puis là, il dit, hey, elle a juste 12 ans, fait que c'est 12 piastres. Tu sais? Je pense pas qu'on va voir ça de nos jours dans un film. Moi, Ouais, je quand pense il a pas. dit ça, j'étais crampé. J'ai dit, Calvin, il a dit ça, c'est donc ben drôle. Ça se dit pas à cette heure, tu Ouais, sais, j'ai c'est déjà donc vu ben ça, en tout élevé. cas. Ouais, il y a des, mais il y a des bouts, j'étais comme ah, d'acide d'autres pistes des films de merde. À cause Mais que. non, faut-tu être dans le mood, tu sais, faut-tu être Ouais, dans le c'est mood pas dans le d'écouter mood. Non, ça, c'est, t'sais. t'sais, Moi, moi, c'est pas dans le mood. moi c'est pas un film que j'aurais écouté comme par moi-même, là. Mais Moi c'est. non plus. Mais c'est pas. Mais c'est. Tu sais, c'est comme. C'est genre ça. Comme tu as dit, c'est comme le genre de film, c'est tellement mauvais que c'est bon, là. Ouais. Tu sais, il y a un moment donné, c'est genre les premiers gars qui commencent à taper, là. C'est comme stéréotype de gay, là, un peu, là. C'est ça? Ouais, Oui, au ça. Puis là, début, ils commencent à ouais. toutes les frapper des chenolles tout le temps, tu sais. Ben, puis là, à un moment donné, ça, je l'ai trouvé drôle. Il était comme un qui était à l'envers dans un tonneau. Puis là, il tapait d'un gosse pour le rentrer plus profond dans le tonneau, genre. J'étais comme, the Et après ça, il sort, puis il y a une petite voix, tu sais, fuck? Ouais, c'est ça. je vais revenir. Mais tu sais, il y a comme plein de petites affaires que j'ai aimées. Je sais pas si c'est là-dedans ou c'est dans l'autre film que je viens de regarder, mais à un moment donné, il y a un juif, puis genre, il voit une scène d'horreur, il a peur, puis il commence à faire le signe de la croix. Tu sais, il est juif, puis il prie Dieu, tu sais, il Je prie. pense pas que c'est dans ce Ça me film-là. dit Non, c'est pas dans rien. celle-là, Pourquoi ok. c'est dans ce film-là? Ou ben, d'abord, quand il est avec l'aveugle, sa blonde aveugle, tu sais, il se met un cône orange sur la tête, puis elle rit. Mais tu sais, comment qu'elle fait pour le voir? Qu'on orange. Je me rappelle pas de ça. Ouais, à un moment donné, là, t'es quand ils font des. Quand ils sont juste lui puis elle, tu sais, c'est comme plusieurs scènes de eux ensemble, comme quoi ils Ouais. sont en amour. Ben, à un moment donné, il se met comme un cône orange sur la tête de construction, puis elle rit. Mais tu sais, elle peut pas le voir, elle est aveugle. Bon, ouais, Tu je m'en souviens pas d'être sûr, c'est ce film-là. Bon, oui, c'est dans ce film-là, je suis sûr. Ok. Mais tu sais, c'est toutes des petits bouts de même. Des fois, je faisais, mon Dieu, c'est toutes des petites affaires subtiles que je trouve drôles. Tu sais, comme quand il arrive dans le restaurant de tacos, les trois voleurs, Ouais. puis il y en a un qui se lève, qui dit « Hey, laissez-la tranquille! » Le gars, il donne un coup de 12 dans le chest, puis il meurt, le gars. Ben, c'est ça qui arrive dans la vraie vie. Tu sais, souvent, dans les films, il y a quelqu'un qui va se lever et faire « Hey, vous n'avez pas d'affaire à faire ça! » Puis tu sais, c'est le héros. Non, non, dans la vraie vie, tu fais pas ça, tu vas manger un coup de 12 dans le chest, comme le gars dans le film. En même temps, dans la vraie vie, je pense pas qu'il y a trois gars qui vont aller faire un hold-up dans une affaire de Ouais, je le sais, ça c'est sûr, mais je veux dire, si dans la vraie vie, il y a quelque chose qui se passe, du monde et des guns, tu sais, à cause des films, on va faire, oh, je vais devenir un héros, puis je vais les arrêter. Non, non, tu fermes ta boîte, tu restes assis. Tu sais, si tu essaies de les arrêter, là, c'est pas comme un film. Tu sais, tu vas te faire shotter, puis tu vas crever. Ouais. Moi, je me dis, dans le film, là, le gars, là, tu sais, il est au secondaire, genre, mais la fille, c'est un adulte, fait que, tu sais, genre pédophile. Qui est à qui là tu La parles? fille aveugle. Ah ben j'ai même pas pensé à ça. Puis moi je comprends pas, tu sais, elle couche avec, quand elle touche, elle doit trouver ça dégueu, je sais pas, il doit être Bon, comme quoi? mais elle l'a embrassé pis Non? tout, mais elle l'a pas remarqué, mais je Ouais, suis c'est comme ben dégueu! là. Elle était pas C'est ça, juste c'est une. aveugle là. Non, mais ça c'est une parodie, tu sais, vous Ah avez ouais. vu le policier, tu sais, il y a le stéréotype du gros méchant, voyons, Spider-Man, maire qui ouais. mange tout le Ouais. temps comme un Puis porc. quand il se fait masser, il y a comme de la bouffe. C'est comme si c'était un gros poulet, là, C'est ça. avec la bouffe Ben, tu autour. sais, les gays au début, quand ils sont dans le gym, sont vraiment stéréotypés gays solides. Il y en a un qui avait une chip, hein, mais son. Ça se Ça se peut. peut, ouais. Tu sais, c'est stéréotype over the top. Là. T'sais, même l'acteur, Marvel au début, là, le nerd là, qui se transforme Marvin, là. en. Ouais, Marvin, le gars qui se transforme en toxique, là, tu sais, tu le vois au début comment il est attardé, Ouais. puis la face, puis. C'est juste tout. Tu sais, le gars qui pogne les nerfs tout le temps pour rien, faut le craquer. Ils sont même pas beaux en plus, les gars. Ils auraient au moins pu mettre des beaux acteurs, je sais pas. Ben, les filles sont pas tant mieux. Non, Non, mais tu vois les seins, fait que tu remarques pas leur face. oh my god. Mais j'avais pris comme note, tu sais, à un moment donné, il avait tiré le chien, là, j'étais comme, ils vont, Ah! j'étais comme, je suppose qu'ils vont tirer le chien, il manque juste ça, puis ils tirent le chien, j'étais comme, tabarouette. Moi, j'étais là, j'espère qu'ils feront pas écouter ça à Blix. Mais moi, je serais pas non plus, là. Moi, j'étais comme tout le monde qui se fait comme qui meurt, pis tout, ça me dérange pas tant que ça, mais un chien qui se fait tirer dessus, je suis comme, oh, j'ai de la misère. Oui, mais c'est un film, Ouais, tu je sais, tu sais, vois là. tant qu'il est à terre que Ouais, il il respire dort, encore. on Ouais, c'est dirait. Tu sais, ça. il respire encore. Tu Ouais, je sais, sais, ouais, j'ai vu ça. c'est tellement mal fait que c'est drôle, comme je dis. Tu sais, Mais les effets spéciaux c'était quand même. sont bons quand même pour cette Ouais, c'est ça, année-là. c'est mal fait, mais c'est quand même. C'est mal fait, mais bien fait en même temps. Tu sais, le monde qui se fait arracher. Oui, à un moment donné, il se fait arracher le bras. Tu vois que le bras, il est juste dans son chandail, tu sais, mais juste Ah oh comme. ouais. Ouais. C'est où, par exemple, tu sais, l'athlète qui explose, tant il est au gym, puis il y a le pic qui rentre dans la tête, ça, c'était quand même bien fait, là. Ouais, c'était violent, là. C'est ça que j'aime. Ouais. C'était. C'est des scènes que d'habitude, la caméra se tasse qu'on voit pas, puis là, au lieu, eux autres, ils mettent le budget là-dedans, puis ils filment en gros plan qu'est-ce qui va se passer. T'sais. Où Mais il y en a c'était. qui se faisaient pas assez torturer, je trouve. Comme. Genre la pétarde blonde, Bon, mais on sait qu'ils filment pas, puis qu'elle passe ses Mais soirées. c'était qui, elle? C'était celle-là qui était dans. Qui se masturbait dans le sauna, c'est Non, ça? non, Non, c'est pas ça, elle. c'est la brune. Je t'ai mélangé un moment donné. Oui, mais Ils c'est ça que ressemblent je trouve toutes. drôle. Tu sais, nomme-moi un film que tu as vu, une fille a été excitée par des cadavres d'enfants morts sur la rue. Il n'y C'est en a pas. dégueulasse. Ouais. Moi, ce que je trouve drôle là-dedans, dans cette scène-là, c'est que, un, quelqu'un y a pensé à faire ça. Quelqu'un a dit, hey, là, dans cette scène-là, la fille est tout nue, elle se masturbe, en regardant des photos de Polaroid de cadavres d'enfants écrabouillés à terre avec plein de sang. Elle, ça Okay. l'excite. Fait que là, il y a une actrice qui a dit oui, je vais le faire. Elle a lu le script, elle a fait OK, puis elle l'a fait. T'sais. Puis il y a tout le monde qui filmait ça, qui disait oh, wow. C'est une bonne Moi, c'est idée, tout là. ça que je trouve drôle. C'est ça, il y a quelqu'un qui a dit c'est une bonne idée. Puis c'est tout ça que je fais wow, mais c'est quand je vais avoir ça dans ma vie? Je le sais pas. Mais j'en profite parce que ça risque de jamais arriver, parce que c'est très drôle que ça l'aille passer au conseil. Ouais, comme ça, ouais, c'est vrai. Moi, c'est pour ça que je trouve ça drôle. T'sais. Moi, j'imagine l'actrice, tu sais, tu te sens. Tu sais, t'as fini ta job. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben là, il y avait une scène que je me touchais en regardant des photos d'enfants de 7 ans morts, puis ça m'excitait beaucoup que je criais. Puis là, il Mais y en a un qui est venu me tuer, là, le méchant, là, puis. OK. c'est le genre de personne qui a jamais eu d'autre job vraiment Ben, c'est dans ça. l'acting aussi. Tu sais, j'ai revu le film récent que j'ai vu de cette compagnie-là. Tu sais, t'as quand même Stan Lee qui parle au début, qui dit un peu l'histoire, parce que le film que j'ai vu, c'est comme le troisième ou le quatrième film. C'est comme une suite de d'autres films, mais qui n'a pas le même titre. Puis t'as aussi le chanteur de Motorhead qui fait le premier ministre, pas le premier ministre, mais le président des États-Unis. Tu sais, t'as quand même des caméos de monde Ouais. connu. C'est quand même du monde qui aime ça, cette compagnie-là, qui aime ça, ce genre de film-là, parce que 2017, c'est pas si vieux que ça. Fait Mais il y a toi. encore quand même. Ben, j'aime ça, mais pas à ce point-là. J'en ai pas vraiment. Dans les films horreur, ben c'est beaucoup plus comédie que horreur. Pour moi, c'est pas Mais. horreur, ça. Ouais, je pense, non, c'est pas vraiment horreur, là. Moi. Mais c'est peut-être, c'est ça. Si tu l'écoutes à 8-9 ans, peut-être, là, c'est sûrement Bon. horreur, là, mais. Ben, il y a du monde d'après. Ben, c'est parce que le côté graphique qu'on voit, c'est clair qu'ils vont mettre ça 18 ans et plus. Ouais, mais je me semble j'ai déjà vu pire que ça, me semble. Moi, Ben. tant que tu m'en as parlé, j'étais comme, ok, ça va être genre juste des explosions de tête, ouais, des affaires comme ça, là, mais c'était pas si pire, là. Oui, c'était graphique, là, mais je trouvais que Ben, c'était. je me souviens pas d'avoir vu. Ben, Brain Dead, là, le film où je t'avais parlé, tu avais trouvé un autre titre aussi. Là. Ça, c'était quand même plus violent un peu. Hobo with a Shotgun, je pense que c'est le seul Blu-ray que j'ai qui s'est vraiment élevé de même. C'est vraiment horreur, ben pas horreur, mais gros comédie puis gros gore, là. Récent. Là. T'sais, on parle d'une fille qui se masturbe tantôt en checkant des photos. Ben là, elle se masturbe quand il y a un gars plus de tête puis elle se masturbe au-dessus du sang qui gicle de sa tête. T'as vraiment des goûts bizarres, hein? C'est le seul film que j'en ai pas, là, tant que ça. C'est parce que ça m'est venu à. Même mais Machete. T'sais, Machete, c'est un Ah peu ouais, c'est ça vrai. quand Ah, même. C'est mais j'ai gros de pas aimé ça. l'action. Pis. Moi, j'ai adoré Machete. J'ai vu au cinéma, c'était tellement drôle. Le Les 1, là. acteurs que j'aime sont tous Mais c'est tués. vous parlez du premier Machete, là? Moi, j'ai vu les deux Ah, au ok. cinéma. Ouais. Moi, j'ai aimé les deux. Le 1 était très bon. Le 2, ouais. C'est un peu comme Machete, mais t'sais, pour pas beaucoup de budget et avec l'humour de dans le temps, je pense. C'est quoi le. Cosco, je vais te donner un conseil, là. À un moment donné, quand tu vas dater une fille, là, si tu veux conclure, fais-y pas écouter ça. Je te dis ça de même. Moi, comme date, je suis pas sûr que c'est un bon film à écouter, là. Ouais, je suis pas sûr. Mais, attends, c'est quoi le film, là, de. Comment il s'appelle? Il a sorti un film récemment, là. Tarantino, je pense. Tarantino, là. C'est quoi Ouais. dans ses films, là, qu'il avait fait, là? Avec le From même Dusk but. Till Dawn, j'avais bien aimé. Ah, c'est quoi? Il y avait un film, La nuit la plus longue. il a fait un film avec Robert Rodriguez, là, le même gars qui a fait Ouais. les. C'est quoi? Il a fait comme deux. Ils ont fait un film chaque, puis c'était comme ensemble le film, là. Bulletproof, ouais, Ouais, ils ont c'est fait ça. Bulletproof, puis. Ah, je me souviens plus c'est quoi l'autre. Je sais qu'il y en a un, c'est une affaire de char, avec Patrick Swayze, je pense. Non, pas Patrick Swayze. C'est Grindhouse, Ouais, Deadproof. vraiment. Deadproof, Ouais. ça, je pense que c'est ça, c'est l'affaire en char, là. Char, ouais, Puis j'ai pas l'autre, tout de ça. c'est Planète Terreur, Planète je pense. Terreur, Ouais, c'est oui, avec ça. la fille, avec à la place de la jambe, c'est un machine gun, C'est un ouais. peu le même style, là, cette C'est affaire-là. ça. Ouais. Ah, puis ouais, c'est ça, gars, ça dit qu'il y a eu trois spin-offs de Machete, Machete Kill, puis Hobo with a Shotgun, les trois. C'est ça, C'est ouais. toute la même. C'était comme toutes Les des trois suites. films qu'on Ouais. parlait. Mais c'est ça, je dis, ça rentre dans ce range-là, je pense, dans les années 80. Tu sais, t'as tout le Ouais. côté sanglant. Puis, tu sais, eux autres, en plus, ils ont un gros budget. Tu sais, tandis Ouais. que Trauma, c'est petit budget. Même le dernier film, il a fallu qu'ils fassent un Kickstarter, là. Tu sais, puis ils ont eu 60 000. À 60 000, ils faisaient le film. Fait que, tu sais, c'est pas beaucoup, là. Ouais. Que j'avais trouvé de popé dans le film, c'est que j'ai écrit d'autres ouais c'est le policier. Le policier qu'au début j'étais comme au coudon, il a l'air d'avoir un accent allemand un peu. Puis là, après ça, je sais pas si en français, il y avait. Tant que je l'écoutais en français, Kim, est-ce qu'il y avait comme un accent allemand un peu? Le Honnêtement, policier? j'ai pas remarqué. Ah, ok. Parce qu'en anglais, il y avait comme un accent allemand. Puis j'étais pas sûr. Puis là, il commence à te faire, il dit yes, my Führer, puis tout, là, j'étais comme, tabarouette, ouais. Ils ont fait des jokes nazis en plus dans Oui, ce oui, film-là. oui, oui, oui, oui. Ouais, c'était Puis là, ouais, après il y avait ça, une joke. là, j'étais comme, j'étais plus sûr, j'ai-tu vraiment dit ça? Puis il a fait des signes, là, j'étais comme, ok, c'est ça, c'est ça que j'ai. Oui, oh oui. Ça, je dis, ça niaise des affaires qu'on ne pourrait pas vraiment niaiser à Star parce qu'il y a tellement de monde à Star offusqué, tu sais. Ah, oh, ils ont dit ça, ils ont fait ça. Fait que, pour ça, moi, j'en profite dans ces années-là, tu sais. Tu sais, c'est le gars, quand il était dans il tapait tout le monde dans l'endroit de taco, là. Puis là, il faisait. Il y en a un qui a mis ses mains dans la friteuse. Ouais, ça, c'est hot. Puis là, il y Mais a c'était une. pas si pire que ça, Puis là, il y a c'était un quand gars. même mollo, Mais le gars, là. il Les a mains dans la comme. friteuse. Pas ça, c'est. Ouais, c'était pas si pire, mais il y avait l'autre. C'était l'autre gars qui il a fait un sundae dans sa bouche, là, genre. Ouais. Ça, c'était ton. Je comme moi, ça, je l'ai trouvé pas pire, là. C'est quoi l'autre gars, il est mort comment? Ils l'ont mis sur, il l'a mis dans le four là. Dans le four à pizza, ouais. Après y Il a avoir arraché arraché le un bras, ouais. bras. Il a arraché le bras, puis il a commencé à taper avec son propre bras, l'autre, ça, je trouve ça drôle. Puis les Ou la deux. petite madame dans la laveuse. Mais ça, j'ai pas Ouais. compris qu'est-ce à quoi rapport là-dedans, elle. Ben, il l'a dit mané, ils se sont rendu compte que c'était une trafiquante de drogue, je pense. Non, pas trafiquante, de Pas humain? trafiquante d'esclaves, ouais, d'esclaves humains. Ah ouais. Full reconnu, là, ouais. Ok, j'étais pas sûr parce que Mansi à un moment donné, il disait comme quoi c'était été innocente, puis je sais pas trop Ouais. là. Là, ils ont dit, faut pas le dire parce que la presse va. Il dit pour une fois qu'on a quelque chose contre lui, là, parce qu'il avait peur au début, là. Mais l'affaire, c'est que comment lui, il savait que qu'il était une trafiqueuse, c'est Ben, juste. c'est ça qui a mené le genre de faux. Ben, pas faux, mais le genre d'expert physicien, scientifique qui apparaît, là, Ouais. mené, qui explique, qui dit que la chose toxique. Le rendu primitif, puis son côté primitif, il est capable de détecter les gens méchants. Fait que c'est ça. C'est ça que je trouve un peu con, c'est que son super pouvoir, c'est d'être fort, puis son instinct dit, ah, lui, c'est un méchant, je vais aller le tuer. C'est comme Et il sait pas pourquoi. Spider-Man avec son sens là. C'est ça, exactement. Mais là, lui, il détecte, genre. Mais c'est pas le même, il peut piquer les toits d'araignée. C'est mieux. Ben, il pisse du radioactif aussi, c'est le bonhomme. Ouais. Ouais, mais. Moi, j'avoue qu'entre les deux, ouais. Hein. Bon, Moi, je mais. pense pas que je vais réécouter ça, Ah non, là, ben. Moi, c'est quand il se transforme, genre, pis sa mère aide pas, t'es-tu correct? T'es-tu Ah, correct? T'es-tu correct? puis Aux ça. toilettes, pis là, mané, il entend sa voix changer, pis tu sais, qu'il devient comme un monstre. Pis sa mère est toute contente, dit, oh, il a enfin atteint la puberté. J'étais, ben ouais, tu sais, elle voit C'est la con! boucane sortir, pis ses verres en dessous de la porte, j'étais, là, c'est ça qui est drôle, c'est que tout le monde est épais dans ce film-là. Tout le monde est vraiment stupide. Mais je pense que c'est cela que j'ai eu le plus de misère. Parce que tout le monde était stupide. J'avais de la misère à rentrer dedans au début. J'étais comme. Moi aussi. Ils sont trop câbles, ça n'a pas de bon sens. Je savais que c'était un film comme ça. Mais j'étais comme fou. Si je m'identifie pas à comme quelqu'un, va être comme, OK, là. Mais là, on dirait qu'il est comme devenu intelligent quasiment, le gars, là, en Oui, tombant là-dedans. il est plus 8 heures, là, ouais, C'est ça, rendu là. là. Là, c'était. Ça, c'était le plus. Puis comme j'ai trouvé ça drôle, hein, ça, il a changé sa voix, puis sa voix fitait même pas avec, des fois avec qu'est-ce qu'il disait là, dans Ah sa ouais, bouche. c'était drôle. Ça, c'était drôle. Puis des fois, Moi, le ça. temps, j'étais là. Voyons donc. Là, pour ça, j'étais. Il nous fait vraiment écouter ça. Là, j'étais là. Je pense qu'après ça, je me sentirais plus mal de faire écouter un film de Noël. Hey. Ouais, mais j'allais expliquer pourquoi c'est un film. C'est un film culte. Tu sais, j'ai choisi ce film-là, pas parce que c'était genre ça va gagner des Oscars, mais parce que c'est comme. T'sais, ils ont sorti des jouets de ça, ils ont sorti des bandes dessinées, ils ont sorti un dessin animé, ils ont sorti 4 films. Je pense que c'est ce film-là qui a comme aidé Trauma aussi à les mettre sur la map. Puis, t'sais, il y a quand même, comme je dis, un cult following à ça. C'est comme un film culte de ce genre-là dans ces années-là. Là. Je comprends pas qu'ils aient T'sais, sorti des jouets. puis, t'sais, ils ont continué cette recette-là parce que, comme je dis, le film que j'ai écouté à moitié, parce qu'il n'a pas. Mélanger un peu les deux films parce que ça se ressemblait. Ils ont gardé un peu ils ont gardé la même recette. C'est pas la même histoire, pas du tout, mais ils ont quand même encore, c'est une affaire de toxique, c'est une affaire de faut protéger l'environnement. Ouais, c'est vrai. C'est Puis oui, il y a encore des scènes de nudité, puis oui, les effets spéciaux sont mauvais, les explosions, ça ressemble à une mauvaise émission de télé, là, genre, je sais pas si vous avez suivi Supergirl, mais une manière une explosion, puis tu fais ah, c'était à l'ordinateur. Mais les scènes gore, qu'ils ont mis dans les films récents, dans le film récent, c'est très bien fait, là. T'sais, à un moment donné, dans le film que j'écoute très tôt au début, c'est un genre de pénis radioactif qui apparaît, puis qui. Il y a un gars et une fille en train de coucher ensemble dans une école, puis le gars, il gueule parce qu'il rentre, je sais pas trop où, puis là, tout d'un coup, il se met à pisser du sang de sa graine. Puis la fille, elle gueule, elle est pleine de sang. Puis là, tu vois, la graine du gars, puis la graine du gars s'enlève de là. Puis tu vois vraiment, genre, ça s'enlève de là, puis à fond. Puis tu sais, les effets spéciaux, t'es wow, là. J'étais wow, c'est donc ben. Ils ont gardé le côté gore, puis même ils l'ont amélioré pour mettre ça plus à jour. Le pénis y a Puis, fondu. ouais, là, il s'est arraché du corps du gars, puis en tout cas. Pauvre pénis. Effectivement. Pas pauvre gars, pauvre pénis. Ouais, c'est ça. Chacun ses priorités. Mais tu sais, je trouve que les effets spéciaux des années 80 du film, ils étaient super bien faits. C'est comme quand la peau fait des bulles puis tout ça, j'étais waouh, pour Ouais, cette ça t'en année-là. remontait, puis il se transformait dans le bain, genre, là. C'est Ah ça. ouais. Puis tu sais, moi je trouvais ça super bien fait là. Puis même comme je dis là, ils mettent l'accent sur les effets spéciaux côté gore. Tu sais, parce que le petit bout que j'ai écouté, j'étais ok. Là, tout le monde. Presque tout le monde est épais encore, tout le monde a comme une personnalité épais différente dans le film que je t'en ai écouté, comme Toxic Avenger. Fait quelqu'un qui aime des films gore, drôle, un petit peu côté horreur, c'est trauma qu'il faut aller, selon moi. Là. Quand tu veux écouter ça, tu suis pas l'histoire. Tu écoutes ça si t'es sous, t'es gelé ou tu veux vraiment écouter ça, tu mets ton cerveau à off, tu regardes ça puis tu fais juste rire tellement que Ben ça, c'est. quand j'écoutais Toxic Avenger, j'étais comme. C'est le genre de film là, que faut que tu écoutes en gang, puis Ouais, tu bois c'est genre ça. une coupe de bière, puis là tu trouves ça bien drôle là. J'aurais Ouais. peut-être trouvé ça moins pire, justement, Ah, écouter ça, tu sais, avec avec d'autres personnes, ouais. l'ambiance, le monde, que tout seul, genre, L'écouter-tu? je viens de finir mes devoirs, je mets ça. Ah, ah, ok, Ouais, mais si tu veux relaxer, tu mets ton serveur off, tu peux regarder si t'aimes ça. Tu sais, Je pense que si elle veut relaxer, Kim avait écouté un film de Noël. Ouais. Non, j'en avais mis un, puis je l'ai arrêté avant la fin, c'était ben trop Oh, Oh ouais. my god, pour toi, tu dis ça devait être Keaton en tabarouette. Tabarouette. C'était vraiment Keaton. C'était comme non. C'était quoi le nom du film? Oh, je me rappelle plus. C'était sur Bon Netflix Dieu. ou. Hein? J'ai passé sur Netflix, puis ils ont comme sorti un paquet de films de Noël. Ouais. Ben ouais. Tu sais, c'est genre tellement Keaton que c'est absurde, là. C'est comme non. Bon, non. Comme une promenade inoubliable. Ok, ouais. Mais combien vous donneriez au film là, sur je crois, sur 5, sur 10, sur je sais pas comment vous notez ça là. Sur le film en tant que tel ou sur l'œuvre en général qu'est Toxic Ouais, Avenger, c'est qu'il toi a fait. là. C'est toi qui tes propres critères là, c'est Moi, je dirais honnêtement, pour tout ce qu'il a apporté, un 8. Un Un 8 8 sur sur 10. 10? Ouais. OK. Pour tout ce qui est capable. Moi, je dis pour l'ensemble. OK. T'sais, je sais pas s'il y a eu, avant Toxic Avenger, dans ces années-là, y a-tu un autre film de ce genre-là qui était vraiment axé autant sur la comédie, gore, horreur un peu, tu sais? Ben, c'est Bonne quand même question. classé horreur quand tu fais des recherches. Puis qui a quand même inspiré beaucoup de choses pour Marvel, tu sais, on s'entend, c'est pas une petite compagnie pour que Marvel fasse un comic book d'eux autres. T'sais, tu vois que Stan Lee, encore des années, t'sais, comme je dis, je pense à 2017 le film, qu'il fasse l'intro du film, t'sais, ça veut dire qu'il aimait encore ça, puis que t'sais, ça l'a peut-être inspiré ou il a peut-être partner avec le propriétaire, je ne sais pas, mais t'sais, pour que ça fasse une bande dessinée, une série télé, des jouets, t'sais, puis qu'on en parle encore. Puis que tu sais qu'il y a encore un cult following à ça. Hein? Moi, je pense que ça mérite au moins un 8. Ah, c'est bon. D'après moi. Parce qu'avant ça, t'sais, on aurait-tu eu Machete, comme tu l'as dit, c'était ultra violent. Grindhouse, t'sais, qui sort des films violents, ils sont-tu inspirés de ça? Ils ont-tu aidé d'autres films à faire des images plus violentes? Ils ont-tu amélioré les effets spéciaux? Ce serait quelque chose, j'aurais aimé ça de checker. Mais pour cette année-là, je trouve que ça a été vraiment bien fait, puis sur Max, il y a du monde qui s'est inspiré de ça, d'après moi. Fait que ça, je donne un 8. T'sais, au film tout seul, je ne donnerais pas un 8, peut-être plus un 6,5, on va dire. Là. Ah, moi, j'étais ça, j'étais en honte. Moi, je dis, je donnais autour de 5, tu sais, c'est comme, moi, tu sais, dans moyen, là, 5 sur 10, là, c'est comme, c'était correct, là, c'était, tu sais, je m'attendais pas à autre chose que ça non plus, là. Faut pas que t'écoutes le film en pensant que ça, comme, hey, ça va être incroyable comme film, là, tu sais, c'est comme, c'est juste, c'est ça, comme t'as dit, là, faut pas que tu réfléchisses, parce que plus tu réfléchis au film, plus tu le trouves mauvais, là, parce que sinon tu te dis, mais Ouais. ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, il faut pas que tu penses, sinon. Mais moi, j'avais quand même des grosses attentes avant le film. Ah J'aurais ouais! pas dû. Parce que d'habitude, les films que Das me fait écouter, c'est vraiment des bons films. Fait Ah, ok! que là, c'était comme. Ah non. Mais moi, même si je l'ai pas aimé, je donnerais quand même un 7. T'sais, moi, Oh, perso, crime! je l'ai pas vraiment aimé, mais je suis quand même capable de voir. T'sais, comme. T'sais, pas pour l'histoire en tant que telle, parce que personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas. Mais, c'est comme avec les arguments que Dassi dit, tout ça, tu sais, je suis quand même d'accord, puis tout. Fait que, tu sais, je donnerais pas un 8 comme lui, mais, tu sais, je donnerais quand même un 7, là. Je donnerais. Mais d'habitude, je donne un 5-6, là, mais d'habitude, toutes les critiques que j'ai faites, je dis juste comme, c'est-tu l'acheter, le louer ou pas le regarder, là? Ça serait plus que, ça serait, je donnerais, à place de donner une note, ça serait comme le louer. Ça serait pas un film que j'achèterais, je réécouterais, tu sais. Mais je pense pas que vous autres, est-ce que vous autres, vous l'achèteriez? Je pense pas non plus. Moi, oui. Ah oui? Moi, Ah, ok, oui. oui. Moi, c'est. Tu sais, je vais regarder les autres. Si je les aime vraiment gros, je risque peut-être m'acheter Le le coffret. coffret Ok. Blu-ray, genre quelque chose en même. Parce que, tu sais, une fois de temps en temps, c'est clair, je vais pouvoir peut-être regarder ça avec un de mes chums parce que j'y connais une couple là-dedans qui ont le même humour que moi où Ok. j'ai un de mes amis que j'ai parlé justement que j'allais checker ce film-là. Puis il a dit, ah oh, oui, ce film-là. Puis il se rappelait du bout du bicycle de l'enfant. Puis il dit, man, on ne voit plus jamais ça. Puis il trouvait ça drôle et tout. Il dit, hey, ça n'a pas de bon sens, il faudrait le réécouter. Tu sais, c'est juste, c'est comme un peu comme Paul. Je ne sais pas si vous avez vu comme Paul. C'est tellement mauvais. Le premier coup, j'ai écouté ça, j'ai fait, ah, C'est c'est pas un gars qui fait mauvais. des arts martiaux, là? C'est ça. Dans le fond, Ok. c'est Garth dans Wayne's World, là, le monde selon Wayne, je pense, en français. Ouais. Dans le fond, c'est le gars qui a les lunettes noires et les cheveux blonds, l'ami Dwayne. Là. Que dans le fond, c'est cet acteur-là que il s'est ajouté dans un film des années 70 d'action arts martiaux, je pense, japonais. Puis il s'est rajouté dans le film, dans le fond. Fait que là, il y a plein de scènes que c'est lui qui est dedans, mais t'sais, il s'est juste rajouté dedans. Fait puis c'est rien que des niaiseries tout le long. Là. T'sais, moi, je trouvais pas ça drôle le premier coup, mais t'sais, un coup, tu regardes ça comme en chum, puis t'sais, t'as bu un peu, c'est vraiment drôle. Puis des fois, on sort encore des bouts du film tellement que c'est niaiseux. C'est encore plus niaiseux que Toxic Avenger. Mais Ah, t'enlèves ça le se peut, côté ça? gore. Oui, t'enlèves le côté gore, puis un petit peu horreur, tu mets ça un petit peu plus action, mais vraiment encore plus niaiseux. C'est vraiment niaiseux. J'ai de la difficulté à imaginer plus con, Oui, mais. comme parle, c'est vraiment con, là, je te le dis. Là. T'sais, Manny, le gars regarde voyons, quoi, un parchemin, puis tu vois des oiseaux, puis il est là, puis il dit un oiseau, un tigre, ah, c'est ça. T'sais, c'est juste ça. Puis tu Pas sûr fais, qu'on voyons était donc. juste de nous faire écouter, hein? Non. Faut être quand même dans un. T'sais, moi-même, t'sais, genre, Toxic Avenger, je suis capable de l'écouter. Puis trouver ça drôle, tu sais, à jeun, pour les bouts qui se disent pas, puis que les comme l'affaire de l'aveugle, de la fille aveugle qui rit parce qu'il se met de quoi sur la tête, tu te dis, ouais, on est aveugle. Ou le bout, comme Psycho disait, tu sais, qui niaise les nazis. Tu sais, il y a plein, quand même, de petites subtilités que stupide, drôle, fait qu'il faut quand même être un petit peu allumé, mais pas tant que ça. Mais l'autre, faut vraiment avoir le cerveau à moins 20, tu sais, faut être. Comme parle, là, non, pas à jeun. C'est trop con. Ah, tu vois, je pourrais jamais l'écouter, moi je suis tout à jeun. Ben, un petit peu réchauffé, là, mais je vous ai jamais. Je peux pas l'écouter. Bon, mais là, ça va être qui le prochain qui va choisir son film? Toi? Toi, c'est pas ton tour, Kim? Non? Non? Non? Et là, d'abord, ok, ça va être moi. D'abord, je vais trouver un film pour la semaine prochaine, là. Mais ouais, c'est que. T'sais, ça serait le fun, je pense, qu'on continue dans la même vague d'un film que pas tant de monde connaît, puis que. Tu sais, comme moi, j'ai choisi ça, comme je dis, c'est pas parce que c'est le meilleur film au monde, c'est juste. Faut l'avoir regardé parce que je trouve que c'est un film Ben, culte, tu ça sais, part des comme. conversations, c'est sûr. Oh, ouais! Tu sais, comme C'est clair! Slapshot, je pense c'est le film culte de hockey. Tu sais, quelqu'un J'ai dit. jamais vu! Moi, je l'ai jamais Ben, vu au complet, moi non plus. faut que t'aimes, tu sais, faut que t'aimes le hockey, c'est Les sûr que gars, les ceux mains qui. là, j'avais mis ça. Ça, j'aime ça. Ouais, mais c'est pas pantoute la même. Tu sais, c'est comme Slapshot, je pense, traduit québécois, c'est beaucoup plus. C'est pas mal meilleur que Slapshot en anglais. Sûr, si je vous disais, regardez Slapshot, il faut l'écouter en québécois. Ça sac au bout. Mais tu sais, il y a quand même du hockey dedans. Si tu connais pas le hockey, tu vas pas tout comprendre les références. Là, Je vais mais tu demander à quelqu'un que je connais de sais. m'expliquer. Mais tu sais, c'est pas. C'est un film culte, je pense, surtout au Québec, côté hockey. Mais je pense que c'est beaucoup plus connu, je pense, même que Toxic Avenger. Toxic Avenger, il n'y a pas tant de monde que lui. C'est Mais au début pour du ça que film, j'avais quand choisi. il faisait écraser, moi je me disais pas, voir qu'on pensait à ça, je pensais à la mère, genre comment qu'elle réagirait en voyant son petit bonhomme de même écrasé sur le chemin, tu Ouais, sais. mais c'est ça qui est drôle. Moi, c'est en plus, tu me rappelles ça. La mer, il fait noir solide dehors, là. Il fait Elle est noir, tellement là. Je sais pas conne, il est quelle heure, mais tu sais. Ah, ben oui, vas-y, mon grand, puis va en bicycle. Je pense qu'il est 11h minuit le soir. Qu'est-ce que tu vas envoyer ton kid de cet âge-là à 11h minuit le soir, dehors, puis il a l'air d'être plus pantoute proche de chez eux, il est dans une ruelle noire, puis. Tu sais, puis le kid, le char s'en vient, là. Il se tasse pas rien. Tu sais, il essaye pas de l'éviter, il fait pas. Ah, il se fait ramasser par le char. Tu vois que c'est un faux corps, en plus, que c'est un mannequin qui fait dans le pare-brise, qui revole en arrière. Là, tout d'un coup, il y a plein de sang, puis le fait que, ah, il n'est pas mort, fait que t'as pas de points, parce que oui, c'est le but, c'est d'avoir des points, qu'il écrase le monde dans le char, puis qu'il recule, puis tu vois toute l'image, écoute, puis qu'ils prennent en photo, qu'ils sortent, ils sont tous, wouhou, puis ils prennent des photos. Hey, c'est malade. Moi, je trouve ça drôle. Tu sais, dans la vraie vie, c'est sûr, je capoterais. Tu sais, quelqu'un me mettrait une vidéo YouTube de ça, je fais, ah, c'est bien trop élevé, mais vu que je sais. C'est un film, c'est ça que je trouve drôle. C'est ça que je Je sais trouve pas, que. quelqu'un ferait ça à Gohan, là, je peux te dire Ben oui, mais c'est que. normal, Moutou, je triperais pas, mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que c'est un film. Puis tu sais, J'aurais les tellement hâte de leur acteurs. faire souffrir, c'est une gang de. Tu Ah! sais, les acteurs font OK, fait que là, Ils sont c'est pas ce assez, qu'on ils ont pas fait. assez souffert, pas en tout, là. Ah! J'ai dit. Mais ouais, moi, Mais c'est tout ça que j'ai trouvé drôle. C'est tout ça que, genre, ah ouais, la mère qui dit à son kid à minuit, 11h le soir, vas-y, puis le kid qui réagit, qui veut pas se tasser quand un char s'en vient, puis qui l'achève, que tu vois tout le sang, tu vois tout, puis qu'après ça, ils sortent prendre des photos de. Oh oui, ils prennent des photos de Polaroid. Ils amènent des preuves avec eux, gang d'innocents. Ils tuent quelqu'un, puis ils prennent des photos. Puis ils les amènent chez eux, puis ils les gardent sur eux autres. Puis ils sont à l'école, puis ils regardent devant tout le monde, tu sais. Oh, mais ils savent que la police est incompétente aussi dans ce film-là. Ben oui, mais tu vois, c'est tout ça, moi je trouve que c'est drôle. Tu sais, j'étais là, ok, tu prends des photos, il va y cacher. Non, non, ils amènent à l'école, dans son Ben, mais dans casier. son casier, Moi, je tue quelqu'un, personnellement, je vais pas prendre des photos de preuve, les traîner sur moi. hein? Ben C'est pour ça que je trouve drôle, c'est ça que je trouve ça Ben, drôle. c'est tellement gros, L'ensemble c'est de tellement. c'est épais. Ouais, c'est épais. Ouais. Non, finalement, je suis changé. Tu sais, j'avais dit 6,5. Non, je vais garder mon 8. C'est tellement épais, je trouve qu'il y a tellement d'affaires que ça n'a pas d'allure que je trouve ça drôle. Tu sais, puis on parle de 2 minutes, même pas 1 minute du film, que la mère a dit à son kid, oui, sors à minuit soir, dans le noir, va te promener en bicycle. Tout ça se passe, ça me prend 1 minute, puis tout ça, je trouve ça très drôle. Fait que, tu sais, tout le film, tout le long, c'est juste quasiment des niaiseries de même que tu fais. Voyons, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de Mais bon sens. ce que j'ai aimé du film, c'est que ça, y a pas de temps mort vraiment, là. Tu sais, c'est comme les seuls temps morts, quasiment, c'est tant qu'il. Il y a comme il y a un bout qui est avec sa, t'sais, il est avec sa blonde, puis qu'il se promène, puis c'est même pas vraiment un temps mort, c'est comme ça l'arrête C'est pas, ça. là. C'est juste pour dire que son pays commence à être en amour, là, puis T'sais, là, puis le après tout. début, au début, c'est pas pire, là, ça dure pas comme 30 minutes, là, quand il se transforme, c'est quoi, c'est 15 minutes, puis ça commence, puis il est tombé dans. Puis t'as vu comment il se transforme? C'est ça que je trouve ça drôle. Ouais. Tu sais, tout le monde, tu sais, il arrive dans une pièce. Ben, c'est quand si on parle du film ou c'est mieux au cas où que le monde va l'écouter? Mais on a Non, déjà dit pas non, mal c'est d'affaires, d'affaires. Ouais, là! j'avoue. Mais tu sais, genre, la fille est là, comme qu'elle m'a dit, à monter ses seins au gars. Le gars, c'est un retard, il a jamais vu de fille tout nu de sa vie. La fille, c'est comme la pitoune d'école. Il fait, oh wow, puis la fille, là, viens avec moi, je veux que tu portes du rose, porte Un le titi. tutu. Là, le gars, il est retard, mais pas à ce point-là. Fait qu'il fait, oh, je suis pas sûr, je vais porter ça, c'est pour les fifs. Il dit, sissies, moi, en anglais. Il dit, pour les gays. Puis là, elle est là, oui, mais ça m'excite. Je trouve que tu fites avec moi, puis elle monte ses seins. Je veux pas être méchant, mais. N'importe quel gars au secondaire, une belle fille dit, va porter un tutu, on va fourrer ensemble, il va le porter le tutu. Là, t'sais? Fait que là, la fille a dit, viens-t'en, viens me rejoindre dans la piscine. Le gars, où est-ce qu'il est? Le gars commence à frencher, il commence à donner des becs à une chèvre, il est tout entouré de tout le monde. T'sais, la lumière s'ouvre, il est en train de donner des becs à une chèvre, il s'est pas rendu compte que c'est une chèvre. C'est bien Il a, facile, un gars, quand il a, même, ouais, tu sais. mais il a passé au travers de tout le monde sans s'en rendre compte. T'sais, il était tout d'un coup tout entouré. Tout le monde rit de lui, à part les personnages principaux méchants, tous les autres d'où qui arrivent. Pourquoi ils risent tous de lui? Comment ça qu'ils ont été là? Puis le gars, il se fait poursuivre par eux autres. Le monde continue de rire de lui, puis il pointe, puis il court après. Tu sais, qui dans la vie court après quelqu'un en riant de lui à ce point-là? Mais sauf qu'il Puis était pas comme genre il se 300 pitch par la autour. fenêtre! Ouais, il y a beaucoup de monde, puis il se pitch par la fenêtre. C'est lui-même là qui se pitch dans le tonneau, là. C'est lui-même là que. Il se fait tellement rire de lui qu'au lieu de s'en aller tranquillement, il se pitche en bas du building. Il se pitche par la fenêtre, il atterrit dans le tonneau de toxique. Puis c'est là qu'il se transforme. Mais c'est pas quelqu'un qui l'a pitché, c'est vraiment lui qui fait hey, arrêtez de rire de moi! Puis il saute au travers de la fenêtre. Tu vois ce que ça fait quand tu suis une fille qui te monte tes tontons. Puis dans le tonneau pollué. C'est tout ça que j'ai trouvé drôle, tu sais, vraiment, là. Puis, tu sais, je sais pas si vous avez vu au début, tu sais, les années 80, ou devant l'école, le monde qui dansait, ouh, tu sais, c'est tout le monde qui Monde qui faisait dansait. c'est toujours tout le Dans même monde qui la faisait les mêmes affaires, puis s'entraîner, puis, je sais pas, c'est vraiment une parodie, je pense une parodie de comédie des années 80, genre. Une parodie d'une paradis, genre. Genre, c'est quasiment ça, c'est une parodie de parodie, tellement que c'est over the top. Puis le Si je pire, l'avais vu de même au début, j'aurais trouvé moins pire. puis tu sais, comme là, l'autre film que j'ai commencé, c'est pareil. Tu commences au début du film, puis ils ont gardé style années 80, mais de nos jours. Fait que là, t'as du monde habillé comme de nos jours. Il y a du monde qui danse à l'entrée de l'école, oh, comme si le monde faisait ça dans la vraie vie. Genre, qui Ben danse pour le oui, fun en avant de voyons. l'école, puis. T'es en train de me dire que c'est pas des comédies musicales, la vie, là? Non, que non. Ben, si tu veux, mais t'as le droit de sortir dehors, te mettre à chanter et puis tout, c'est juste Non, toujours pas ça. à regarder. Mais non, moi je trouve que ça vaut la peine de le regarder une fois de temps Ouais, en temps, moi puis. ça serait à regarder, t'sais, à regarder au moins une fois là, pour dire comme pour dire que tu l'as regardé là, puis quand tu dis hey, t'as-tu vu ce film-là, c'est n'importe quoi là, Genre, ouais. ça part une C'est quand même conversation, ouais. drôle. Tu sais, on en parle, puis En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça drôle. Je me rappelle des bouts, je fais « Ah oui, ça pas d'allure, ça, c'est grave, c'est drôle. » Tu sais, j'aime mieux ça que des films qui essayent d'être drôles, Ouais, puis qui se forcent à être drôles, puis que ça ne l'est pas. Tu sais, ça, tu sais, ils jouent tellement mauvais que ça n'est drôle, puis ils font par exprès. j'aime mieux, ouais, j'avoue, j'aime mieux qu'ils aillent jusqu'au bout de même, qu'ils font, par exemple, c'est comme semi-sérieux ou des affaires comme, t'sais, des choses comme ça, là. C'est ça, là. Pense qu'on a pas mal de tout dit autour du film. Oh. Je sais plus quoi d'autre. Je sais plus qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre, là. Mais merci tout le monde de nous avoir écoutés pour le premier épisode de On ne sait pas encore c'est quoi le nom du podcast. Dès qu'on se revoit la semaine prochaine. Ça a l'air que c'est moi qui vais choisir le film. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre, mais on va voir ça la semaine prochaine. À plus et à la prochaine.